Mais à part des histoires, des poèmes d'amour, est-ce que tu sais... Ah, ma biche, t'as envie de me sodomiser? Ma biche, ma biche, ma ah, biche. Ah, vas-y, oh, ma biche, ça pour changer. Mais tu t'es fait enculer, ça me fait trop mal à la nana. Ma biche. Voilà. Voilà. Yeah. Ah, ça va aller vite. Non. Là, c'est bon, là. Mais voilà, comme ça, voilà. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie dans l'avion. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie sur une vache. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie sur le sable. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie dans le foin. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie chez McDonald's, en tête à tête. Mais tout est fermé. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie dans la farine. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie sur un studio de télé. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie sur la croisette. Ma biche, oh, tu te recules un petit peu du micro parce qu'apparemment ça pue. Te faire la sodomie ouais. Sur un tapis rouge. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie sur un drapeau. Je voudrais te faire la sodomie sur l'herbe coupée. Je voudrais te faire la sodomie, mais personne garde le bébé. Je voudrais te faire la sodomie, mais tout est fermé. Je voudrais te faire la sodomie avec un bouquet de fleurs. Je voudrais te faire la sodomie avec un bijou en tête à tête. Je voudrais te faire la sodomie chez moi. Je voudrais te faire la sodomie pendant 15 jours. Et pas mal celui-là. Alors le dernier. Faut que tu t'éloignes un petit peu du micro parce qu'apparemment il y a des gens sur Minitel qui s'en plaignent à cause de ton haleine. Oh, ils me font chier. Vas-y. Non, c'est bon. Oh non, un dernier, merde, maintenant que t'es lancé. Bah non, mais n'ayez crainte, de toute manière, je vous ai sodomisé.